Si vivre est un feu qui dévore, si vivre est un feu qui dévore, mourir, c'est comme l'eau qui dort, limpide et sans débord. Le calme de l'esprit, la quiétude du corps, vide au-dedans comme au-dehors. Car la mort est comme un port qui s'offre inexorable aux vagues du sort. Ouvert à tous les vents, même au plus fort, fouettant de l'âme les contreforts. Que le temps soit d'argent ou le ciel d'or.